féminine. Je ne suis pas bon chanteur, et parmi les voix masculines, je suis vraiment loin des meilleurs. Je n'ose même pas envisager que l'on puisse me comparer avec quelqu'un qui saurait vraiment chanter. Écoute Caroline, je ne suis pas poète, mes rimes sont loin d'être fines, mes paroles ne sont que miettes, et quand on y fait attention, il n'y a rien que je rende lisible qui dans la forme et le fond ne soit pas risible. Bonne mine avec